Radiomatic. Thank you.

charme. Tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout. Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh ma sœur, île de garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, oh, tout dit, dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit, où tu mourras dans lui. Thank you. Audiomatique, nous entendions le projet américain de Moscow Coup Attempt, mené par Derek Whitaker. De son plus récent album Iradenda, nous vous avons présenté la pièce We Dream Awake. Tout juste avant, il s'agissait de la chanteuse française Camille Dalmet, qui se fait connaître simplement sous le prénom Camille, qui nous interprétait sa chanson Tout dit avec les oiseaux de son album Hilo Veuillou, paru en 2011. Et pour amorcer la séquence, nous avions droit au projet More Ghost Than Men, l'incarnation musicale de Terry Grant, et sa composition 11-8-11, qui sera disponible le 13 août prochain en format numérique par l'entremise de l'étiquette de disque 8D Industries. Cette pièce est le premier extrait du deuxième album de More Ghost Than Men, intitulé The Worlds We Made There, qui devrait paraître le 24 septembre prochain. Remontons maintenant dans le passé, en 1970, pour la parution du premier album de Tangerine Dream, intitulé Electronic Meditation, et duquel nous allons entendre la pièce Kalter Rausch, Cold Smoke. À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre une partie du Dave Brubeck Quartet nous jouer la pièce Far More Drums, tirée de l'album Time Further Out, paru en 1961. Cet album est le deuxième d'une série de quatre basés sur l'inspiration d'œuvres d'art contemporaines, d'ailleurs reproduites sur les pochettes d'albums et sur lesquelles le quartet de Dave Brubeck expérimente en composant ses pièces sur des tempos inhabituels pour les standards jazz de l'époque. Dans cette série de quatre albums, outre le Time Further Out, il y a bien entendu son classique Time Out, ainsi que les albums Time in Outer Space et Time Changes. Avant cela, nous écoutions la composition Kalter Rausch de Tangerine Dream, qui apparaît sur le premier album du groupe en 1970, intitulé Electronic Meditation. Soulignons au passage qu'il s'agit du seul album de Tangerine Dream composé par le line-up initial du groupe fondé en 1967 et formé par Edgar Froese, Konrad Schnitzler et Klaus Schulz. Toujours et encore à Audiomatic, avec cette fois la musique du projet Scorn. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic la chanson Acid Crop, extraite du nouvel album du projet américain Liars, intitulé The Apple Drop, qui a été lancé le 6 août dernier. Précédemment à Liars, nous vous avons offert le groupe Piroshka, qui est formé de l'ex-chanteuse et guitariste de Lush, Mickey Berenyi, l'ex-guitariste de Moose, Kevin McKillop, l'ex-batteur d'Elastica, Justin Welsh, et le bassiste de Modern English, Michael Conroy. Conroy, dis-je. De leur premier album, Brickbat, sorti en 2019, nous vous avons fait jouer la chanson Blameless. Et avant Piroshka, ce qui amorçait ce bloc musical, était la musique du projet de Mick Harris, Scorn, du mini-album Leave It Out, paru en 1996. Nous avons choisi la pièce In Four. Et la transmission 3, 5, 4 d'Audiomatic se terminera sur la musique d'Andromeda Complex et sa pièce Life of Despair, tirée du premier album Be Kind With Your Executioner, paru en 1994. Soulignons au passage qu'Andromeda Complex met notamment à contribution Angelo Bergamini et Simon Balestrasi, qui dirigent respectivement la formation Kirlian Camera et le projet Tomographia Acial Computerizata. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatic. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 355 d'Audiomatic. Et voici pour terminer la pièce Life of Despair de la formation Andromeda Complex. C'était Audiomatic avec les sonoristes.